Cette semaine, on parle du World Press Photo, de photos de la Deuxième Guerre mondiale en HD, et on vous donne des conseils pour à peu près tous les types de photos. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 80! Woup woup. Une autre dizaine d'épisodes qui tombent. Oui, on se rapproche du cent. On se rapproche du centième. Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de François Blanchette. Yes, sir. Et Christian Jarry. Toujours là. Mes acolytes préférés. Et les seuls. Et les seuls, c'est ben, ça. Comme ça, il n'y a pas de chicane. Non, c'est ben, voilà. Tes acolytes préférés ce soir. Ici. C'est comme moi qui dis à ma fille qu'elle est ma fille préférée. Ben oui. Ah ouais. Je fais pareil avec mon fils et ma fille. Voilà. C'est mon fils préféré, ma fille préférée. Ben oui, c'est vrai. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait côté photo? On va commencer par Christian, tiens, cette semaine. Côté photo. J'ai pas vraiment fait de photos. Je me suis amusé avec un petit gadget que j'ai gagné à mon travail. Mmh. Par pure chance, j'ai gagné une petite GoPro. Cool. La plus petite modèle, là, la Hero ordinaire. Là, pas d'écran, pas rien, tout ça. Mais je me quand suis même un petit peu amusé avec ça. Là, tu n'as rien de ben exceptionnel. Mais il faut que je trouve de quoi à faire de mieux. Mais la première chose que j'ai faite en arrivant à la maison, j'ai pris du gros tape électrique gris, parce que je voulais pas, tu sais, ça vient avec quelques affaires qu'on peut coller directement, mais je voulais pas l'utiliser pour ça, mais ce que j'ai fait, j'ai pris du gros tape gris, puis je l'ai collé sur le toit de l'auto-téléguidé de mon garçon, ah, puis oui. on est allé se promener avec des rues, puis à monter, à tomber en 30 secondes de choses, mais bon, c'est pas grave, c'est une GoPro, c'est solide, c'est là. Ça. Mais tu sais, c'est la première idée qui m'est venue en tête comme ça. Là. Ben, c'est fait cool. Que, ouais, c'était très drôle, là, mais tu sais, rien de spécial. Faut que je trouve. J'ai des idées en tête là, qu'il faut que je roule, là, qu'est-ce que je pourrais faire. Et cet hiver, oui, je vais retourner en ski. Non, je me casserai pas le bras. Mais c'est clair que je veux l'essayer aussi. Mais faut que j'essaie d'autres choses. J'aimerais ça aller dans l'eau aussi. Je prédis l'achat d'un drone bientôt. Oh. C'est parce que le drone que je veux, ça servira pas avec le. OK. C'est le drone, le petit Faucon Millennium, le drone, ah, oui. Mais pas vraiment un commode avec la GoPro, non, disons. Non, en effet. Parfait. Toi, François, de ton côté? Moi, je me suis inspiré. En fait, je suis allé faire du vélo dans le Vermont avec ma copine, puis on se promenait sur une espèce de petite bande de terre qui servait un chemin de fer avant, qui traverse le lac Champlain. C'est super beau. Okay. C'est une belle place pour faire du vélo, puis je trouvais que le paysage était beau parce que c'est une belle ligne de fuite dans le lac. Ah, c'est vraiment pas large, c'est la largeur d'un chemin de fer. Okay. Ça a été abandonné puis converti en piste cyclable, tu sais. Puis là, je regarde ça puis je me disais, hey, il y aurait une belle photo à faire ici. Puis j'ai eu le flash de faire la fameuse photo du couple de Russes, je pense. Oui, qui, je l'ai vu. De la ouais. fille qui tire son chum par la main, mm-hmm. tu sais. Puis là, c'est un point de vue du chum. Donc, tu as la main de la fille qui tire la main du gars qui est en avant-plan. Puis je me suis inspiré de ça pour l'essayer. Tu sais, uh-huh. Je vais essayer de faire la même chose avec mon appareil. Ah, c'est là que tu as fait ça. Ouais, je l'ai uh-huh. vu passer sur Facebook. Oui. Fait que, puis j'ai travaillé un bon 15 minutes pour l'avoir, cette photo-là. J'ai vraiment étiré la patience de ma blonde. Mais on ça... fait jamais ça. Ouais. Voyons donc. Là, c'est ça. Mais ça a fonctionné. Je suis bien satisfait de la photo. Mm-hmm. Je l'ai mis sur les réseaux sociaux. Puis il y a eu une grosse réponse. J'ai fait comme OK. Il y en a qui ont aimé ça et qui ont trouvé ça cute. Ouais, ouais. C'est ce qui est revenu plus souvent, c'est cute. Fait mm-hmm. que ça a été. C'est ça que j'ai fait comme photo bon. Dernièrement. Alors, vous voulez faire des photos cute, mignonnes, aller au Vermont, sur voilà. la piste cyclable. Ah, c'est mon état préféré, disons, autour ouais. de Montréal. Le Vermont, c'est vraiment une belle place à visiter. La ville de Burlington en particulier, mm-hmm. qui regorge de super bons restaurants. Puis oui. Pour ceux qui aiment la bouffe, tu sais, je fais un petit aparté. Pour oh, ceux ouais. qui aiment la bouffe végétarienne ou en fait locale, le Vermont, ils sont encore plus, je dirais, ils sont plus portés à faire ça et à supporter ça qu'au Québec. Puis mm-hmm. je trouve qu'au Québec, on l'est quand même pas mal ici. Mais il y a un mouvement encore plus fort au Vermont d'appartenance à la terre. Ils ont l'air, oui. Oui, puis ça se reflète dans les restaurants, puis dans la bouffe qu'ils font, dans les épiceries. Doublé du protectionnisme américain. Oui, légendaire. non, mais c'est vraiment, si ça vous adonne de passer par là, puis vous n'avez pas découvert Burlington, puis les petites villes avoisinantes, il y a des antiquaires, il y a vraiment des belles places à faire. Nous, on y va 2-3 fois par été, faire du vélo, se promener. Moi, ça fait quelques années que je ne suis pas allé, mais j'aime bien Burlington. Là, c'est sûr ouais, qu'en ce moment, le taux de change est prohibitif, ouais. mais quand ça un va peu, revenir, oui. si ça revient, ça vaut vraiment la peine. Mm-hmm. Là, c'est à côté. C'est en effet. Loin. Parfait. Et toi, Stéphane, qu'as-tu fait? Moi, je suis allé voir l'exposition des gagnants du World Press Photo 2015. Mm-hmm. Et puis, ça se passait dans le Vieux-Port, au marché Bon Secours, à Montréal. Puis, il y avait... on se demande pas pourquoi c'était les gagnants de ce concours-là. Les clichés étaient magnifiques, pleins de sens, des clichés forts parfois. Et il y a des gens qui avaient fait, je crois que c'était une catégorie, là, c'était un historique, une photo 20 ou 25 ans plus tard avec le même sujet. Okay. Et puis, on voit, c'est ça, il y en a une, c'était assez lourd, là. Il y avait un type qu'on voit en train de jouer ou taquiner une petite fille. Puis on le revoit plus tard, qui arrive en cours pour se faire juger pour... un truc sexuel. Okay. En tout cas, oh, wow, OK. Ouais, c'est quelque chose de frappant. Le même gars, là. Le même gars. Ouais. Donc, ouais, le même sujet de photo. Ouais. Et ouais, mais moi, j'en ai profité pour prendre des photos des gens, des spectateurs qui allaient voir l'exposition. Puis, j'ai remarqué que je fais ça souvent. Quand j'arrive à un endroit où il y a beaucoup de gens, mes photos, quand je les sors, sont en noir et blanc. J'aime sortir des photos de foule. Comme là, j'ai sorti une photo dont je parlerai au prochain épisode du Gaming Expo à Sherbrooke, où je suis allé. Il y avait une espèce de gros tournoi en réseau pour les joueurs. Et j'ai sorti la photo en noir et blanc, où on voit tous les joueurs. Moi, je trouve que ça permet de donner un certain anonymat aux gens qui étaient là. Ouais. Puis, je sais pas. Ça m'interpelle plus. Moi, je trouve que ça donne un petit côté... vintage, mais pas dans le sens... comment je pourrais expliquer? On dirait plus... Je veux pas utiliser le mot réfléchi, mais tu sais, je sais pas, il y a un côté vieillot, réfléchi, ou je sais pas comment le décrire, mais je vois ce que tu veux dire. Même moi, j'ai la même impression. On dirait comme les gens sont là avec les contrastes forts, avec tout ça. Ça donne une atmosphère tellement différente. Là, ouais. Mais j'ai remarqué que je fais ça depuis... ça fait au moins un an que je fais ça. J'étais allé au local de Arcade Montréal, là, Papa Cassette et compagnie. Mm-hmm. Là, puis quand j'avais des photos avec plus qu'une ou deux personnes, quand il y avait comme une espèce de petite foule ou d'un petit groupe, je préférais la photo en noir et blanc. Ouais. Je sais pas pourquoi. C'est comme instantané chez moi maintenant. Là, ça, un réflexe qui s'est développé. Mm-hmm. Je la vois en noir et blanc, si on veut. Je me dis, ah oui, ça va bien sortir. Ou en tout cas, j'en ai... Dans cet album-là, j'ai encore un album Flickr là, d'une quinzaine de photos, je crois. J'aime pas mal ça. Toutes en noir et blanc, je pense. J'en ai beaucoup, en tout cas. 5, je pense. Au moins 4-5 en noir et blanc sur les 14-15 photos qui sont là. Puis, une autre tendance aussi que j'ai cette année, j'ai des albums plus restreints, plus minimalistes, si on veut. Là. Moins de photos dans mes albums. Ouais. J'ai la même chose, moi aussi. Je sais pas, j'aime ça... juste donner comme un aperçu, un coup d'œil des trucs que je vais voir. Puis c'est... Je sais pas, peut-être parce que je suis un peu... Tu sais, je me suis lassé de voir tout le monde qui vont mettre comme 300 photos, mais il y en a 6 photos de chaque sujet, chaque pose qui se ressemble. Ouais. Ou, tu sais, un petit angle différent, OK, mais c'est le même sujet. Puis moi, je veux des trucs vraiment différents. Puis au moins que ça montre un peu plus de l'événement que... de montrer la même affaire sur 2-3 angles. Oui, c'est ça. À un moment donné, tu comprends que, OK, c'est ben, bon. C'est ça. 3 photos, même s'ils sont toutes belles, les non, photos, ça en prend juste s'ils une. S'ils parlent de la même chose, ça, c'est ça. Ouais, ouais. C'est bon, c'est une bonne façon de voir ça. Et puis, je ne veux pas non plus nécessairement tout montrer de ce que j'ai vu ou de ce qui se trouvait à cet endroit-là. Je veux montrer ce que moi, je considère d'intéressant ou qui ressort ou qui va être différent ou je ne sais pas. Fait que... Étrangement, ça se fait un peu tout seul. Je commence, je dirais, à développer une démarche. Je pensais jamais arriver là un jour à me dire « Ah là, je commence à avoir un certain pattern, un certain réflexe de photographie. » Mais je pense que là, je suis rendu là, puis il était temps. Non, mais... Moi, je trouve, en tout cas, je sais que personnellement, moi, je le fais aussi, mais parce que je me suis rendu compte moi-même que quand t'as un album avec trop de photos, je passe pas au travers. Mais non, il y a ça aussi. C'est ça, j'en prends moins. Et ça va être justement dans les trucs que je vais donner tout à l'heure. Mais on dirait que je réfléchis plus à mes photos justement avant de les faire, donc avant de les prendre. Je réfléchis plus au résultat final, à ce que ça va donner quand je vais le passer dans Lightroom. Je le fais pas à chaque photo nécessairement, mais il y a une petite fraction de seconde avant d'aller me placer où tu sais, je me dis bon... Ben, c'est parce que tu t'évites du travail aussi. Oui, absolument. Là, en, en préparant un peu ton projet, si on peut dire, c'est sûr que tu t'évites beaucoup de travail parce que tout trier ça, mine de rien, si tu en as éliminé 20 pendant que tu prends tes photos, c'est 20 photos que tu n'as pas à scanner puis à regarder, puis te dire « Ah, il y a peut-être de quoi que je peux faire avec ça. » Ou tu sais, avec Lightroom, on peut tellement transformer des photos, même ratées, que tu peux réussir à faire quelque chose. Fait que, bon, tu sais, tu peux t'enlever déjà des trucs en partant. Oui. En tout cas, même ça sur comment place, on voit ça, je suis toujours en mode rafale lente sur mon appareil pour éviter des yeux fermés, des trucs comme ça. Mais sur place, déjà, entre deux photos, souvent j'en efface une, deux ou trois. Comme ça, en arrivant, j'en ai déjà éliminé quelques-unes, pas toutes, mais j'ai quand même un premier petit tri de fait. Puis ben, c'est ce que ça donne au final. J'ai moins de photos dans mes albums, mais on dirait que je suis plus satisfait du résultat. Parce que c'est comme plus intime ou plus représentatif de ce que je voulais montrer, disons. Fait que, t'es rendu hipster. C'est fou, hein? Non, mais on dit, tu sais, je blague, mais en fait, moi, j'apprécie aussi la même chose parce que je me rends compte que j'ai plus le temps d'éditer 350 photos. Oui. Fait que si j'en ai juste une vingtaine à éditer, ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Ou si t'en as pris, disons, 45-50, parce que souvent, j'en prends à peu près deux de la même. Du même truc, du même sujet, puis je vais garder la meilleure parce que. Justement, il y a des gens, il y en a un qui va avoir la tête tournée vers moi, je veux pas ça, des trucs comme ça. Puis, j'apprends à mieux me positionner aussi, même quand je photographie des gens, je me positionne mieux pour vraiment disparaître, si on veut, t'sais, qu'on se rende pas compte que je suis là, puis tu sais, j'arrive pas avec mon appareil, puis en tout cas. Fait que j'arrive un peu subtilement, discrètement, puis là, je m'installe, je fais semblant d'observer ou j'observe carrément pour vrai, puis éventuellement, je vais prendre ma photo quand les gens vont comme arrêter de me porter attention. C'est pour ça. Je sais pas. C'est drôle parce que tout m'est venu comme naturellement. J'ai pas dit, bon, ben là, aujourd'hui, je commence à établir ma démarche photographique ou quoi que ce soit. Je me rends compte là, en enregistrant l'épisode, que je suis en train vraiment de développer ça. Ah, ben donc, écoute. C'est cool. Ah, ben c'est le fun. J'aime bien. Ouais. Fait que tu vois, objectif numérique sert aussi à te faire réaliser des choses. Oui, moi-même, imaginez. Bon, on va passer à un petit bloc nouvelle. Christian, toi de ton côté, tu as deux nouvelles cette semaine. Ben, dire nouvelles, en fait, c'est pas tout à fait des nouvelles. J'ai décidé de faire quelque chose un petit peu différent parce que je lisais, je regardais plusieurs choses, puis il m'est venu en tête quelque chose en lisant deux choses l'une après l'autre parce que ça pouvait pas. Ça faisait du sens. C'est un win et un fail, ou si vous préférez, un succès et un échec. OK. Le win, c'est une femme, la première femme photojournaliste du Japon. Oui, je l'ai vu. Elle prend encore des photos à l'âge de 101 ans. Tu sais, je trouve ça cool, tu sais, quand tu regardes qu'elle a commencé à prendre des photos à 25 ans, faites le calcul, ça fait 75 ans. Puis même maintenant, elle fait encore des photos. Elle a publié un livre à 97 ans en 2011. Tu sais, je veux dire, je trouve ça comme un beau message, comme quoi que t'as beau avoir commencé avec le film, si t'as vraiment la passion, si t'aimes ça, c'est pas ça qui va t'empêcher. Absolument. Puis pensez pas maintenant qu'elle a pas un DSLR. On la voit très bien sur une des photos. Elle a une Canon dans les mains DSLR comme nous autres. Elle a évolué avec le temps. Tu sais, je trouve que c'est un beau message aussi d'espoir. Mais moi, je trouve ça cool parce que ça veut dire que j'ai encore des décennies devant moi. Des décennies de bonheur parce que j'adore. C'est beau d'être positif comme ça, Stéphane. Vous voyez, c'est pour ça. Pour moi, je considérais que c'est un succès à cause de ça. Un très gros win. Oui. À l'inverse. on parle souvent puis on se moque un petit peu des selfies, des choses comme ça, comment que c'est un peu ridicule. Avez-vous vu cette nouvelle du Russe? Le jeune Russe qui a voulu faire un selfie super éclatant en étant casse-cou et il est tombé et il s'est tué. Ah! Tu sais, bravo! Attends, il est tombé de? De plusieurs étages. D'un building. D'un building. Ben, tu sais, c'était de 9 étages, précisément. Mais tu sais, je veux dire, pensez-y là, OK? Oui, ça va peut-être être excitant, ça va peut-être être, hey, regardez, je suis cool, je prends un selfie à 9 étages, 17 ans. puis tu meurs à cause de ça. Ben c'est, il fait-tu partie de ceux qui grimpent là, des structures comme des antennes ou au top des buildings? Ben, on le voit sur une structure, sur une photo. Ouais, je pense que là, c'est arrivé plusieurs fois. Parce là, que mais... j'ai vu des vidéos, là, c'est bien rare qu'une vidéo me chamboule, mais là, c'est carrément mes pommes sont devenues complètement mouillées en regardant des vidéos GoPro là, de jeunes qui grimpent à des mâts ou des structures puis là, qui se tiennent par ou une grue qui se tiennent par une main, deux doigts au bout de la grue qui mesure 40 étages, quelque chose comme ça. Puis écoute, les pommes me sont complètement mouillées. Fous, tu là. Fais comme OK. C'est, premièrement, la vidéo marche. Là. Ouais. Dire, tu te crois là, on parle même pas de réalité virtuelle non, encore. Non, c'est juste une vidéo 2D. Là, j'ose même pas imaginer que ça va être dans un Oculus Rift. Là, non. Ça... Ah, non. D'ailleurs, ça me donne des idées. non, mais je veux dire, c'est... Non. Okay, ça que... aussi, je vous reparlerai de réalité virtuelle dans un autre épisode. C'est ça. Tu sais, on en revient aux selfies, puis c'est comme... OK, c'est drôle des selfies, là. Mais mettez pas votre vie en danger pour un donné selfie, là. Non, ben lui, c'est ridicule, il a mis ça à l'extrême, là. Ah oui, je sais, ouais, je mais sais. Souvent, ados, on fait des conneries, mais bon, il y en a d'accord. qui sont plus extrêmes que d'autres, oui. Mais non, effectivement... Mais il en va, tu sais, je dis un selfie, mais il en va de même avec les GoPro. Vous pouvez chercher sur Internet des GoPro du monde qui se cassent la margoulette en GoPro. Là, il y en a une méchante un méchant paquet, là. Mm-hmm. Ouais. Avec leur GoPro, je devrais plutôt dire. Fait que, non, mais en tout cas, je sais pas. Je trouvais que c'était tout un échec pour contrebalancer. Tu sais, on se dit... Ouais. Tu sais, je te dirais pas que les photos que le gars il a pris étaient pas toutes intéressantes. T'sais, c'est sûr que c'était excitant, pis c'était... mais non, ça vaut pas la peine d'en arriver là. Parfait, ben merci. Je sais pas si on peut dire merci dans ce cas-là, je sais pas. Ben, d'avoir partagé cette tristesse. OK, ouais. Fait que les selfies, c'est le mal, OK? Oui, c'est et les selfies sticks, c'est doublement mal. Oh mon Dieu, oui. François, toi, de ton côté. Ou les narcissistiques. Oui, c'est vrai. C'est une bonne appellation. Le mot est quand même drôle. Non, moi, j'adore, dire, là, ouais. je dois dire, là. J'adore l'expression. C'est un de nos auditeurs, d'ailleurs, qui nous a envoyé ça. Moi, j'ai flashé là-dessus. J'ai fait comme « wow, c'est narcissique. Parfait. » Oui. Je soupçonne Dominique. Non, c'est un Français, un Européen qui nous a envoyé ça. J'ai trouvé ça génial. Okay. Merci encore. Je me sers beaucoup de l'expression pour corriger des gens. Je leur dis ben... « Ah, un narcissique! » Ouais, ouais. Ah ben, je vais adopter. Ouais, vraiment. Ouais. De mon bord, j'ai un autre projet Kickstarter. Ben oui. Ben, il y a des trucs cool. Il y a des trucs beaucoup de trucs cool. Il y a plusieurs personnes qui vont trouver ceci cool. C'est, je pense, un groupe de 2-3 inventeurs. Je me rappelle pas, j'ai pas regardé exactement qui a fait ça, mais ils ont eu la super belle idée de faire une espèce de casing, je sais comment on dit ça en français. Un boîtier. Un boîtier pour iPhone 6 ou iPhone 6 Plus. Et le boîtier est en forme d'appareil 8 mm, très vintage. Le type contient une main avec une poignée en dessous, là, qui fait quand il part. Est-ce qu'il y a le bruit? Oui, c'est ça, est-ce que avec? Ça fait le bruit? Je suis sûr qu'ils vont le mettre. Ça serait drôle, vraiment. Ouais, là. Ouais. Donc, ça fonctionne avec le 6, et comme je disais, l'iPhone 6 ou 6 Plus qu'on insère à l'intérieur. La forme... du casing, du boîtier est vraiment pareil comme un truc. Bon, on parle juste des formes, là. C'est pas identique à un appareil vintage, évidemment, c'est pas une copie, là. Mm-hmm. Puis la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a un logiciel qu'on compare avec l'iPhone qui marche de concert avec le boîtier. Le boîtier, il y a un viseur et il y a un objectif attaché à ce boîtier-là. Avec un jeu de miroir, c'est comme ça que la caméra de l'iPhone filme au travers de l'objectif. Wow, ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, miroir, c'est du patentage, comme on pourrait dire. Oh, ouais. C'est avec des miroirs et tout. Donc, la qualité, je serais curieux de voir qu'est-ce que ça donne. Le viseur, c'est un peu la même chose. On a un vrai viseur qu'on s'accote dans l'œil. Puis, grâce à un miroir, il va aller filmer une partie de l'affichage de l'application qui montre évidemment l'image captée par la caméra au travers du miroir et de l'objectif. Mm-hmm. L'avantage, c'est qu'on peut changer l'objectif. Ouais, ça, c'est génial. Pour un téléphoto ou un grand angle. Cool. Fait qu'on s'approche vraiment du 8 mm vintage, tu sais, rendu là. Fait que c'est ça leur concept. Qu'est-ce que je pourrais dire du point de vue technique de l'appareil? Il faut aller voir sur le site de Kickstarter. J'ai pas pris des notes du côté technique, mais bon, en gros, c'est ce que je vous ai décrit. Et puis, je ne vous ai pas dit le nom de l'appareil. Non, et comment ça s'appelle? C'est le c'est très drôle. Moi, ça m'a fait rire. J'ai trouvé ça original. C'est le Luminati CS1. Et non pas, à ne pas tromper avec Illuminati. C'est là leur inspiration. Luminati, en plus, c'est lumière, lumen. Donc, c'est bon. J'ai trouvé ça original comme nom. Ouais. Un peu élitiste. un petit peu, oui. Puis, c'est très... c'est drôle parce que sans être trop, comment je pourrais dire, sans trop juger, c'est carrément des hipsters là, qui ont fait ça. Quand on regarde la vidéo de présentation, ils ont toutes des grosses barbes avec les lunettes puis la coupe, la fameuse coupe hipster. Puis ça va vraiment aller chercher ces gens-là. C'est le type de clientèle qui adore ces affaires-là, entre autres. Il n'y a pas juste eux, évidemment. Oh, ouais. Le projet est maintenant financé. On peut le précommander à 20% de rabais si ça vous intéresse. Mm-hmm. Sinon, si vous ne le savez pas en précommande, ça va être à 250$ US que ça va se vendre. Mais voilà. Alors, c'était ma petite découverte de cette semaine. Cool. De mon côté, bonne nouvelle. Pentax qui a annoncé un appareil plein à capteur plein format pour le printemps ou début 2016. Pour le moment, le site web présente seulement une image du boîtier et ça dit ça s'en vient en 2016. Mais c'est leur premier capteur plein format? Je crois que en numérique? Je crois que oui. Ah, okay. En fait, ils ont un capteur médium format, un moyen format, mais full frame, apparemment, qu'ils n'en avaient pas, mais... Ah. Depuis le début de l'année, ils ont annoncé des objectifs qui peuvent fonctionner sur un appareil donc à plein capteur. Ils préparaient ça. Ben oui, c'est sûr. C'est en développement pendant parfois des années, là, un appareil. Mais on a déjà des objectifs comme un 70-200 f2.8, un 150-450 mm. Il faut avoir du guts et des reins solides pour se dire « OK, on est Pentax puis on se garoche dans le marché » parce que en ce moment, c'est Sony qui est en train de voler la vedette, selon moi. Et d'ailleurs, ce sera un capteur Sony de 42 mégapixels selon les informations, selon les rumeurs en tout cas à ce moment-ci. Donc, ça va être la Maserati de la Ferrari, c'est-à-dire voir le moteur... Oh boy! Non, mais les Maserati ont le moteur Ferrari et le reste Maserati. Quelle belle analogie! Donc, oui, Pentax s'allie pour avoir la meilleure technologie possible, mais avec leur fabrication à eux. Mm. Ah, c'est bon. Ouais. Ça veut dire que tu peux sauver quelques centaines de dollars peut-être pour avoir quelque chose de performant. En recherche et développement, eux, ils doivent sauver des coûts énormes, même s'ils se trouvent à payer le capteur plus cher que ce qui leur coûterait en production, mais peut-être qu'ils se disent, on va voir si ça fonctionne, puis éventuellement, on pourra peut-être faire nos propres capteurs, ou peu importe, prendre une autre technologie. Ils ont la pièce maîtresse. Oui. C'est le même capteur, ou très, très similaire à celui du Sony A7R2. Semble-t-il. Quand même. Hein? Ouais. Quand même, en effet. Ouais. Mais chez Pentax, il y a des trucs intéressants, hein, comme l'écran qui bascule quand on pivote l'appareil, là, disons, en mode portrait, ces trucs-là. L'écran avec l'information va basculer pour qu'on puisse le lire au lieu de se pencher la tête là, sur le côté. Des genres de petits détails qui peuvent amener peut-être... premièrement, les fidèles de Pentax vont se réjouir de la nouvelle. Ouais. C'est tant mieux. Puis, un compétiteur de plus sur le marché, c'est toujours bon parce que... Si j'étais méchant, je dirais les 5 personnes qui nous écoutent. Non, je sais, c'est pas méchant. On a déjà testé sur les bons appareils. Oui, absolument. Puis, On vous invite à écrire à Christian, à notre on adresse d'objectif. On donne son adresse email personnelle. Non, c'est une petite blague. Pour corriger Christian, car c'est complètement... Le pas pire, vrai, c'est que je sais que c'est pas vrai. Puis le pire, je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui sont des gros fans. C'est juste qu'il y en a, c'est moins gros que, mettons, Nikon, Sony, je sais qu'il y en a que c'est vraiment des mordus, là. Oui, absolument. Mais ils font de très bons appareils pour en avoir essayé quelques-uns. Je vais me faire plein d'amis, moi. Oui, hein? Alors, on voit les commentaires qui entrent sur le fil Facebook. Ah, tiens, tu viens d'être inscrit à plusieurs listes de email. Ouais. Des listes de distribution de compagnies bizarres. Tu vas avoir du spam. Et voilà. Fait que c'était ma petite nouvelle. Puis là, je vais passer... Ça conclut d'ailleurs le bloc nouvelle. Je vais passer à mon petit topo qui consiste à vous donner 10 conseils de pro pour à peu près tous les types de photos Que ce soit avec un smartphone. Avec c'est 10 conseils de Stéphane, finalement? Non, ouais. Ils viennent pas de moi. Je peux pas, dire que c'est moi qui ai le crédit d'avoir sorti ces conseils-là, mais quand même, je trouvais que c'était des bons conseils. On en a donné quelques-uns à travers différents épisodes et tout ça, mais là, c'est une espèce de récapitulatif qui pourra toujours servir à ceux qui débutent en photo, ou même ceux qui en font depuis un certain temps, mais qui voudraient peut-être aller une petite coche plus loin ou améliorer leur résultat. Puis honnêtement, ça fait quoi, là, 6 ans et quelques là, que je fais de la photo? C'est en lisant des trucs comme ça ou en écoutant des conseils des gens qu'on progresse. Oui, en expérimentant aussi, c'est très important. Mais vraiment, chercher de l'information de gens qui ont fait beaucoup d'erreurs aussi, puis ouais. Que là, ils disent, regardez, ça, c'est des conseils pour vraiment progresser en photo. Puis souvent, c'est pas mal. Et se le rappeler, pas mauvais non plus. Des fois, il y a des choses que même du monde qui connaissent un peu plus ça oublie. Oui, absolument. Pense pas. Allez, Stéphane, vas-y. On est au bout de tes lèvres. Là. Vas-y, vas-y. Il y a le fameux adage qui dit Keep it simple, stupid. Mais là, c'est tout simplement garder la photo simple. Souvent, si vous faites de la photo, disons, de studio, ben c'est pas nécessaire d'avoir peut-être 42 lumières si c'est pour vous prendre 8 heures d'installation. Puis peut-être que en étudiant mieux votre lumière, vous allez avoir besoin de moins d'accessoires, de trucs. Oui, il y a peut-être un minimum pour arriver à un certain résultat, mais il y a des gens qui vont aller trop s'équiper ou trop faire un gros montage, ou même juste à l'extérieur, qui vont rechercher la composition incroyable qui va encadrer un paquet de trucs. Mais non, gardez un élément, ou vraiment votre sujet, puis parfois, c'est les photos les plus simples, les plus belles. Tu sais, c'est sans qu'il y ait trop d'artifice ou je sais pas, une photo qui a des belles lignes dedans, des lignes de fuite ou des formes. Souvent, on parle du fameux triangle là, qui découpe la composition dans une photo. On pourra en reparler plus en détail éventuellement. Mais la fameuse règle des tiers aussi qui fonctionne bien, ces trucs-là. Mmh. Mais normalement, assurez-vous d'avoir un sujet clair dans votre photo qui est vraiment... On sait que c'est ça que vous vouliez photographier. Ouais. Sans avoir 10 000 trucs. J'en ai fait des erreurs, puis j'ai demandé parfois l'avis à des gens, tout ça. Puis à un moment donné où j'avais photographié des vélos devant un mini-golf, puis là, il y avait des trucs, puis en tout cas, il y avait trop de trucs dans ma photo. Trop chargé. Puis sur le puis coup... on comprenait pas qu'est-ce que tu voulais montrer. Ben c'est ça. Ouais. Fait que c'est le genre de truc, puis ça me dérange pas du tout de dire que, tu sais, on se trompe souvent en photo. On moi, se je trompe me suis beaucoup, trompé. Je me trompe pas encore. Ben oui, moi aussi. Mais faut pas avoir peur, justement, de se tromper. Non. Puis quand on se trompe, de voir pourquoi on s'est trompé pour pas recommettre la même erreur. Numéro 2. Merci, François. Peu importe ce que vous photographiez, observez les détails dans la scène, hein, dans la composition. Si vous photographiez un paysage, ben ça se pourrait qu'il y ait une petite branche qui dépasse en quelque part ou une ombre qui tombe mal à un endroit ou des trucs comme ça. Vous photographiez quelqu'un, puis il se trouve à l'ombre d'un arbre, c'est merveilleux, mais hop, il y a un côté de son visage qui est éclairé parce que le soleil passe entre deux branches. Des petits détails comme ça, puis... Justement, la semaine dernière, j'étais à un mariage, puis c'est le genre de truc auquel j'ai porté attention parce que je me faisais photographier, puis là, j'ai dit « Oh, je vais m'assurer de me placer à un bon endroit pour pas avoir soit d'ombre ou soit de spot de lumière dans mon visage. » Puis là, j'ai dit à la personne « Place-toi à peu près à tel endroit selon tel angle, puis vas-y. » Ça exaspère bien le monde autour de moi, ça. Mmh. Oui. Parce que là, quand c'est eux autres qui veulent me prendre en photo, « Ah non, pas là, c'est pas une bonne lumière, ou c'est pas ci, ou c'est pas ça. » Ça exaspère bien les gens non, autour de moi. Non, mais c'est parce que si... Il faut y aller aussi de façon simple de ce côté-là. Oh, oui, je sais. Tu planifies tout ton truc, puis là, tu dis « OK, place-toi là, moi je suis là, appuie sur le bouton. Oh, » Oui, clairement. Fait que là, dans ce temps-là, ça exaspère moins les gens aussi. Non, je sais bien. Observez... Numéro 3. Merci. Numéro 3. Observez bien les pourtours quand vous composez une scène, parce que souvent, il y a des appareils photo qui ne vont pas nécessairement couvrir 100% de ce qui va être capté. Et là, parfois, ben ça peut arriver qu'il y ait des petits trucs qui dépassent. Bon, à l'autre au numéro 2, je parlais des branches qui dépassent, mais ça, c'est quand c'est plus flagrant. Mais s'il y a des trucs qui dépassent le moindrement, vous êtes mieux de cadrer un peu plus serré et vous assurez qu'il n'y avait rien avant. Donc, vous cadrez, Puis là, vous dites, OK, il n'y a rien, mais je vais quand même me rapprocher un tout petit peu pour être sûr qu'il n'y a absolument rien parce que mon viseur ne couvre pas 100% de la plage, si on veut, là, de la scène. À ce moment-là, ça risque de donner un meilleur résultat. Numéro 4. Un conseil très important, photographiez en RAW. On en a souvent parlé. Oui, oui, oui. Mais oui. Ne photographiez pas en JPEG. Ou à la limite, faites RAW plus JPEG. Comme ça, au moins, vous avez votre photo de JPEG que vous pouvez partager tout de suite sur Facebook si vous voulez. Mais gardez votre photo RAW pour la retoucher. Même si vous ne faites pas de retouche ou très rarement, gardez vos originaux, vos fichiers originaux pour pouvoir les retravailler le jour où vous allez y prendre goût. Parce que ça va arriver un jour, je suis presque convaincu. C'est de toute façon, au pire des cas, je veux dire, si vous avez le RAW et le JPEG, c'est là que vous allez pouvoir voir aussi l'énorme différence entre l'un et l'autre. Absolument. Et souvent, ben c'est ça, c'est que vous allez voir toute la flexibilité que le RAW vous donne, le niveau de détail amélioré là, dans les tons de couleurs. Il y a moins de... François, avant l'enregistrement, il nous parlait d'une photo justement qu'il a prise, puis quand il l'a exporté en JPEG, ben on voyait que soit la compression ou en tout cas, tu avais une perte de détails. C'est dans ta photo de lune, je pense. Oui, exactement. Oui. Donc, en fait, une perte dans les nuances de couleurs qui étaient très, très, très soft. Là, très douce, oui. Très douce, des variations de couleurs très douces. Donc, ça prend une grosse palette de couleurs. Ouais. Puis malheureusement, quand on exporte en JPEG, on en perd. Mm-hmm. Puis, il y a sûrement quelque chose qui m'a échappé. Ouais, ouais. Il y a quelque chose parce que, d'après moi, tu es allé beaucoup trop bas parce qu'on voyait presque... Tu sais, quand tu dis la couleur, on voit presque un carré, oui. Là, c'est quelque chose. Ouais, ça, c'est peut-être Facebook. Faut dire, oui, c'est ça, j'ai repris la photo de Facebook pour t'envoyer aussi à toi, pour que tu puisses mettre sur les notes de page. Mm-hmm. Donc, peut-être que c'est ça aussi, là, tout de suite pris le meilleur fichier possible, là, mais bon. Ben, c'est pas plus grave, mais ça dit quand même que dans le fichier RAW, il y a quand même plus d'informations sur justement toute l'image telle que l'appareil l'a vue. Et là, à ce moment-là, ben si... À l'heure actuelle, ben, y a des trucs que le JPEG ne permet pas ou que Lightroom ou un autre logiciel d'édition ne permet pas nécessairement. Ben, peut-être que dans 6 mois, 1 an, on va pouvoir le faire. Ou même, ça peut arriver qu'on édite des photos, on les retouche, puis on y revient 1 an, 2 ans après, puis on a évolué un peu dans notre parcours photographique, puis on les retouche. Pas de la même façon. Hein? Même non. Ansel Adams aussi faisait ça avec ses populaires photos. Là. À chaque année ou presque, il ressortait une nouvelle version de ses photos parce que soit qu'il était dans un mood... D'autres désirs, d'autres affaires. Ça, il pensait différemment à ce moment-là, ou il développait une nouvelle technique. Il n'y a aucun mal à ressortir ou à retoucher des photos une deuxième, troisième, quatrième fois, si vous voulez. Si vous avez une technique que vous voulez... mettre de l'avant. Oui, perfectionner ou mettre de l'avant parce que vous la préférez. Comme moi, je parlais que je sors souvent des photos en noir et blanc quand il y a beaucoup de gens. Peut-être qu'un jour, je vais dire, ben c'était ridicule, là, je vais les ressortir en couleur avec un autre type de retouche ou peu importe. Puis je vais dire, ah ben ça sort, j'aime bien comment ça sort, on ne sait pas. Donc, moi, je garde toutes mes photos originales en RAW. Puis éventuellement, bon, je fais pas ça avec toutes les photos, mais... Peut-être qu'un jour, je vais vouloir certains souvenirs en particulier, puis je vais vouloir les retoucher. Numéro 5. Moi, okay. Fais-le ou je le fais. Vas-y, fais-le. Numéro 5. Attendez d'avoir le bon éclairage. Tu sais, souvent, on se dit, ah oui, je vais prendre la photo, cet endroit-là est superbe, blablabla, mais si vous avez la chance de revenir au bon moment... avec la bonne lumière sur votre sujet, que ce soit un édifice, un paysage, un arbre, n'importe quoi, c'est mieux de l'avoir avec le bon éclairage, une lumière plus mieux dirigée, si mais, on mais veut. Ça peut entrer en contradiction avec la règle numéro 1, un peu, là, qui est « pit simple ». Mais attendez la bonne lumière. Non, je pense pas. Parce que la simplicité, moi, je parlais plutôt du sujet le lui-même. Le sujet, oui, c'est ça. La composition. Ah, oui. Oui. Et mais non le processus de prise de photo. Pas le processus, c'est ça. Parce que le processus, oui, on peut le garder simple. On peut dire, ben moi, je fais que de la photo avec un smartphone parce que je veux pas d'équipement. Ouais. Je fais que de la photo en fin de journée ou en soirée. Je fais que de la photo de paysage. Juste au golden hour. Ben, c'est ça. Hein. Mais s'il y a certains sujets où vous allez remarquer que la lumière va vraiment mieux... faire ressortir votre sujet, que ce soit le building, un paysage ou peu importe. parfois c'est flagrant. Là. On passe à un endroit, puis on repasse à une autre journée, à une autre heure, à un autre moment. Puis là, on se dit « Oh, wow! J'avais jamais vu ça ressortir comme ça. » Vraiment, la lumière du jour va avoir une grosse incidence sur le résultat de votre photo. Si vous avez la chance, n'ayez pas peur d'étudier à quel moment à peu près de la journée votre sujet serait le mieux éclairé. Puis ça devrait donner des bons résultats. Numéro 6. Rapprochez-vous. Ça, on l'a dit souvent. Je pense que dans les premiers épisodes, déjà, j'en parlais. On l'a dit souvent, oui. C'est beau de voir une personne de la tête aux pieds ou de voir tout le paysage au complet ou de voir 14 édifices dans une même photo. Ça peut être très beau. Mais si vous vous rapprochez d'une personne, vous prenez un gros plan de son visage ou de son buste ou vous prenez un gros plan d'une portion d'un véhicule ou d'un building ou juste isoler un building sur toute une rue, ça va donner de la force à votre photo. Ça va lui donner même, à la limite, une histoire dans le cas de certaines personnes qu'on voit qui ont du vécu ou qui ont une expression. Ou ça va aller chercher beaucoup plus le spectateur de voir quelqu'un en gros plan ou... À moins que la personne soit en train de faire une acrobatie quelconque, puis là, c'est plus parlant de la voir en entier ou quoi que ce soit. Mais vraiment, en se rapprochant du sujet, comme moi, j'ai photographié quelqu'un qui regardait une photo au World Press Photo. J'étais tout près, peut-être à 30-40 cm derrière elle, puis je me suis arrangé pour voir la photo qu'elle regardait. Puis je trouve que ça sort bien parce que, justement, on voit qu'elle est en train d'observer cette photo-là. On est avec elle, finalement. Ben, c'est ça. Ouais. Donc, il y a une proximité. Puis, oui, absolument. Ouais. Donc, on est comme là, à côté, puis on regarde la même photo, si on veut. Photo bon, qui sortait floue parce que j'ai réduit ma profondeur de champ, mais c'était pas vraiment ça le but. Le but de la photo, c'était pas de voir la photo qui était observée en tant que telle, mais la scène, enfin. Numéro 7. Merci, cher... collaborateurs à mais la faut présentation. Qu'on retrouve, là. Oui, quand même. Oui, absolument. Oui. Je les aurais nommés, mais numérotés. Mais... Numéro 7, donc, réfléchissez avant de shooter, avant de photographier. Le déclencheur, ça devrait être l'avant-dernière étape de votre photo, la dernière étant le... La prise de photo. Ben, avant d'appuyer sur le déclencheur, là, il faut avoir réfléchi à sa photo parce que si on fait juste dire « Ah, oh, je vais photographier ça » puis on photographie, bien, on n'a pas nécessairement le meilleur angle ou le meilleur timing. C'est pour ça, d'ailleurs, que je prends souvent des rafales lentes pour m'assurer que s'il y a 2-3 personnes, il n'y a pas une personne qui a les yeux fermés, des trucs comme ça. Ou je vais essayer d'avoir le meilleur angle possible pour mieux rendre le sujet que je photographie ou ça peut être pour éliminer des ombres, justement, à cause de l'éclairage ou n'importe quoi. Ça peut aider aussi de réfléchir à sa photo, de dire « Est-ce que je veux montrer de l'eau en mouvement ou de l'eau comme figée, ouais. Une personne en mouvement ou des personnes figées. » Ça peut être n'importe quoi, mais de penser à ce qu'on veut montrer, le résultat optimal, le résultat idéal de sa photo, ben, il faut y penser avant d'appuyer sur le déclencheur ou avant de jouer avec ses paramètres puis dire ben, « Ah, pour avoir une bonne exposition, j'ai besoin de telle vitesse puis telle ouverture. » Ça ne s'arrête pas là, nécessairement. Il faut vraiment dire, ben pour avoir mon résultat, je vais peut-être devoir tricher ou tant pis si la photo sort plus sombre ou peut-être tant mieux parce que je voulais faire, je sais pas moi, une silhouette ou un truc du genre, mais réfléchir vraiment au résultat qu'on veut obtenir. Numéro 8. Sous-exposer au lieu de surexposer. Bon. Ah oui, ça, là, c'est, toujours. Ça, c'est important pour vrai. Là. Oui, ouais. Parce que c'est bien beau d'avoir un bel histogramme bien balancé et compagnie, ou d'avoir une belle image claire, éclatante, mais s'il y a des trucs surexposés dans votre photo, c'est brûlé, c'est fini, on ne peut pas les récupérer. Il n'y a rien à faire. À l'inverse, par contre, si on a des trucs un peu sous-exposés, on peut aller les rechercher, puis à la limite, on peut atténuer le bruit si ça en crée. Mais c'est plus facile d'aller chercher du détail, de l'information dans une image, surtout si vous avez la photo en RAW, et d'aller la rehausser après, l'exposer un peu plus. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire que ça, je dirais, là. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Mais non, pas vraiment. Ça dit tout. Moi, en vidéo, c'est la même règle. Je sous-expose plus que je surexpose. Je vais surexposer quand je veux perdre l'information. Ah, oui. Puis en exemple, puis ça s'applique à la photo aussi, c'est vrai. On pourrait dire ça. Oui. Par exemple, votre sujet est une personne d'un certain âge. Il y a plus de rides dans le visage. Bien, en surexposant, on peut faire diminuer un peu les rides. Ah, oui. Et j'ai affaire avec ça, avec des fois des personnes, surtout des dames qui ont 50-60 ans, qui sont connues, des personnalités de la télé. Ou, qui trichent un peu. Qui oui, c'est des techniques que j'utilise pour les mettre à leur avantage. En fait, c'est souvent ces personnes-là qui m'approchent et qui me disent « C'est-tu possible de surexposer un peu? » Ouais. Ça vient. C'est pas tout le monde qui demande ça. Non, non, il y a des femmes qui sont plus sensibles à ça parce que c'est leur métier. Puis, ils veulent le conserver le plus longtemps possible. C'est un mot de cercle vicieux. Hein? Oui, puis il y a un double standard incroyable aussi. Ça cultive le côté de « Ah, il faut se botoxer, il faut aussi… » Bon, là, je ne m'égarerai pas là-dedans, mais vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Donc, je me sers de la surexposition des fois pour avantager le sujet. Excellent conseil. Tu es en train de nous dire qu'on se fait mentir à tous les jours. Oh, je suis scandaleux. Numéro 9. Number 9. Number 9. Ah, oh, pas cette chanson-là. Oui. 9. N'ayez pas peur d'augmenter votre ISO. Mais dans certains cas, ça peut donner des résultats catastrophiques. Ouais, je pense à mon appareil photo. Oui, oui. Non, mais normalement, t'es mieux d'avoir une image avec un peu de bruit qu'une image floue ou pas d'image du tout. Ouais. Tu sais, si t'es pour pas avoir de photo tout court parce que ta photo est trop floue parce que tu pouvais pas aller à plus qu'un tiers de seconde. Bon. Et t'avais pas de trépied ou tu sais. Ben oui, puis tu dis que c'est ça l'effet que tu voulais. Oui, absolument. Ouais. Ben, tu rajoutes du bruit. La porte de sortie. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a dit, c'est tout dépend de qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec ces photos-là. Oh, oui, si aussi. C'est pour le souvenir, que vous ayez 3200 ISO et plein de points partout, pas la fin du monde. Là. Oh, absolument. Ça va être moins bien qu'un appareil photo de téléphone intelligent pareil, tu sais. Ouais. Ouais. De toute façon... Vous pourrez toujours, à la limite, réduire le bruit dans un logiciel de retouche, un peu comme Lightroom. Tu sais, on en a parlé un peu. Il y a moyen d'aller récupérer un petit peu ou d'enlever un petit peu de bruit. Il y a certains logiciels qui sont meilleurs que d'autres pour faire ça, mais il y a moyen de le faire. Donc, ne pas se priver parce que souvent, il y a des endroits... Moi, je repense, un des trucs les plus flagrants, mais récents, là, c'est quand on était allé à la 400e des Mystérieux Étonnants. Il manquait cruellement de lumière. C'était quelque chose. Normalement, ben, t'as comme pas le choix. Moi, c'est une des rares fois, je pense, où j'ai pris la plupart de mes photos à... Ben, j'en ai pris à 1600, la majorité, mais j'en ai pris plusieurs à 3200 ISO. Puis pour moi, c'est comme un seuil psychologique. Que t'es pas capable d'atteindre. Ouais, que je veux pas trop atteindre ou dépasser. Mais... J'étais content quand même du résultat de mes photos. Mais je sais que c'est ça, toi aussi, tu as eu de la difficulté parce que toi, à 1600 ISO. J'en ai beaucoup de bruit, moi. Ouais, c'est avec ça. Avec ma 7D, j'en ai pas mal de bruit. Mais je compense souvent, justement, par ma 85 mm à 1.8. Ça me permet de compenser énormément, heureusement. Mm-hmm. Mais sinon, à 3200, c'est atroce sur la 7D. Vraiment, là, c'est quelque chose. La marche, elle est très haute. Ah oui. Ben, c'est ça. Sauf que, ben, si tu te dis, normalement, j'essaie de les prendre à 400-800, ben, peut-être que parfois, tu vas faire une exception à 1600. Souvent. En sachant que tu vas avoir du bruit, mais en te disant, ben, c'est mieux ça que pas de photo. Ouais, puis des fois, je vais avoir 1200, tu sais. Je joue avec les tiers de cran aussi. Parfait. Et la dixième position. Le numéro 10. Prenez des tas de photographies. Prenez des tas de photos. Non, mais surtout au début. Oui, exact. Prenez des photos par dizaines, par centaines, par milliers. Expérimentez. Pas juste pour le principe de dire « Ah, j'ai pris 300 photos dans ma soirée. » Tant que c'est fait dans un but pour apprendre, pour voir c'est quoi la différence entre tel paramètre, quand il y avait tel type d'éclairage, prenez-en. Puis après, évaluez. Trier. Oui, puis surtout pour ceux qui ont connu l'argentique, hein, qu'on donne ce conseil-là. Oui. Parce qu'évidemment, ceux qui ne l'ont pas connu ou très peu utilisé, on comprend tout de suite que ça coûte absolument rien de faire ça. Ben si oui. Ce n'est que de l'espace sur ta carte mémoire. Ouais. Acheter une carte mémoire pile. Plus grosse. Ouais. Puis ta pile. Mais c'est fou comment ça change la donne pour la prise de photos. Ça n'a rien à voir avec ce que se faisait avant. Là. C'est ça. Il fallait vraiment t'avais 30, je me sens en général, t'avais 36 photos sur un rouleau de pellicule. Ouais. Ben, en moyenne, 24 ou 36, ou en tout cas, peu importe, entre ça, autour de ça, il fallait vraiment se dire, OK, là, la photo, il faut qu'elle soit bonne. Ben oui. Mais j'imagine, là, je vous avais dit, là, j'avais fait des séances en studio, puis j'ai pris 1500 photos. Là. C'est comme... Je m'imagine pas là, le nombre de films qu'il aurait fallu que je passe. Là. Mais t'en aurais pris moins si t'avais eu de la pellicule. C'est clair. Qu'à toutes les 36 photos, tu dois changer ta pellicule. À un moment donné, t'aurais fait « bon, j'en ai assez ». C'est sûr, c'est sûr. Puis, mais reste quand même que c'est limitatif incroyablement. Là, ah ben oui. Mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, vos déclencheurs. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est pas nécessairement... de prendre des rafales de 20 photos du même sujet. Là. Mm-hmm. Ben, c'est ça dépend toujours de ce que tu fais, c'est oui, sûr. Oui, mm-hmm. Mais c'est de prendre des photos de plusieurs sujets, ouais. D'expérimenter, ouais. Puis de voir, ça permet aussi de déterminer qu'est-ce que vous aimez photographier, de découvrir mm-hmm. votre petit faible pour certains sujets ou mm-hmm. un certain type. De trouver type. Une niche, là, oui. Ouais, tout à fait. Une idée, une direction, puis, c'est une pas... démarche. Oui, non, mais c'est pas obligatoire au début, parce que moi, je tenais absolument à ne pas me dire, moi, j'aime mieux photographier des buildings, tu te limitais l'architecture. Pas, tu te limitais pas. Non, c'est ça. Je voulais faire de la photo de tout. Mais en même temps, tu as trouvé probablement des choses que t'aimes puis que t'aimes moins. Et étonnamment, je voulais rien savoir du portrait et j'aime ça de plus en plus. Moi, j'ai toujours adoré le portrait et j'aime beaucoup ça. Par contre, la macro, ça m'intéresse peu ou pas? Moi, ça m'intéresse et je vous en reparle au prochain épisode. Mmh. Ah, c'est bon. J'ai le petit objectif 90 mm macro de Sony entre les mains et je fais le test en ce moment et je vous en reparle au prochain épisode. Ouais. On va petit passer... étant peut-être pas le bon mot, par non, contre. Non, mais ça. Ouais. Il y en a qui m'ont agacé sur Facebook, qui m'ont dit que je compensais. Et... Oui, vaguement. Mais c'est pas grave, je suis capable de prendre les notes humoristiques. Et on va passer au petit bloc de suggestions de la semaine. Christian, qu'est-ce que tu as de ton côté? J'ai trouvé sur un site que je dois confesser ne connaissais pas du tout avant, qui s'appelle History in Orbit. Ce sont des photos... de la Deuxième Guerre mondiale en très haute résolution. J'ai aucune idée, il n'y a pas de détails à savoir comment ils ont réussi à sortir ces photos-là, qu'est-ce qui a été fait, même s'ils ont été colorés par après ou quoi que ce soit. D'après moi, oui, parce que les couleurs sont vraiment trop belles. Ils sont vives. Ils sont très, très ouais. vives. Fait que je ne serais pas surpris que ça ait été coloré par après, mais les images sont tellement belles. Ouais. On dirait vraiment que ça a été pris avec un appareil plein format là, de maintenant. Là, il y a tellement de détails, tout ça. C'est incroyable. Là, vraiment, j'ai été impressionné par ces photos-là. Mm. Je veux dire, ça pourrait être une photo prise hier. Là, ça n'aurait pas rien de surprenant. Là, c'est une photo prise en 1942. Ouais. C'est vraiment impressionnant, les photos. Je serais curieux. C'est juste ce côté-là qui est dommage. Il n'y a pas de détails sur qu'est-ce qui a été fait aux photos. Non, c'est ça. Ça dit juste, c'est des photos de la Deuxième Guerre incroyables, mais il n'y a pas de démarche, justement, ou de processus qui a été utilisé, ou en tout cas... J'ai pas vu d'explication. Moi non plus. J'ai cherché un peu parce que je veux pas, j'étais curieux, mais j'ai pas réussi à retrouver rien. Mais je me dis, bon, regarde, on a quand même les très belles images, fait que ça vaut la peine. Là, mm-hmm. Mais... ben, est-ce que ça serait des négatifs à partir d'un négatif? C'est possible. Parce qu'une fois que c'est imprimé, on peut pas scanner une si belle résolution. Mais ouais, ça, à partir du négatif, par exemple, la résolution, elle est. Ou peut-être à partir d'un positif, d'une diapositive. Oui, ben c'est mais, ça. Un ou l'autre, c'est ça que je veux dire. Oui, oui. Mais ouais, effectivement. J'imagine que c'est ça, parce que je vois pas comment on peut aller chercher du détail comme ça sur un imprimé. Moi non plus. Ouais, ouais. Moi non plus. Moi, d'après moi, ça, le négatif, ça ferait beaucoup de sens, parce que c'est incroyable le niveau de détail. Là. J'ai jamais vu ça. Oui, c'est impressionnant. Parfait. Ben merci. On va aller voir ça dans les notes pour le lien, si vous voulez aller voir les photos. François, de ton côté, c'est une suggestion d'un auditeur. Oui, qui nous parle de... En fait, pour les amateurs de baseball, je ne sais pas si on en a quelques-uns dans nos auditeurs. Peut-être qu'il y aurait aussi une autre application pour le bidule que je vais vous parler, mais c'est principalement fait pour les amateurs de baseball. C'est un cinémomètre qu'on attache à son iPhone. Qu'est-ce qu'un cinémomètre? C'est un lecteur de vitesse, oui. Comme un radar. Donc, le but étant de mesurer la vitesse de la balle qu'on lance. Mm-hmm. Donc, c'est, celle-ci, c'est un petit gadget Bluetooth qu'on colle en arrière de son téléphone. Puis, avec l'application, évidemment, on peut lire la vitesse d'un objet qui se déplace. Ça pourrait être tennis, j'imagine. J'essaie de voir les autres applications. Oui, golf, peut-être, mais golf, il s'en va. Je ne sais pas si ça fonctionnerait quand il s'en va. Ton enfant en vélo. Ouais. À quelle vitesse il parle. Ouais, bon, oui. À vous de l'essayer. Si vous l'avez entre les mains, vous pouvez voir ce que ça donne. C'est un autre projet Kickstarter. On dirait que c'est l'émission Kickstarter. Oui, quand même. Ça va être le nom de l'épisode. La fin du socio-financement est la fin octobre. L'objectif est de 50 000 $ pour ce petit bidule-là. Bon, je trouve que c'est intéressant. Dans le fond, c'est quelque chose d'évident qui n'avait pas été fait encore. En effet. Ça fait partie des bonnes idées. Tu sais, de quelqu'un qui s'est dit, hey, ça n'a pas été fait ça encore, puis we've got the technology. Là, tu sais. Fait que voilà. Parfait, merci. Oui. Et c'est drôle parce que souvent, on arrange des sujets pour un épisode, puis ça finit par concorder. Je parlais beaucoup de noir et blanc en début d'épisode, puis c'était pas prévu que je mette. Que je passe du temps sur le fait que mes photos étaient en noir et blanc, mais ma suggestion de la semaine, c'est un photographe américain qui s'appelle Jason Peterson, très actif sur Instagram, et ce qu'il fait, lui, c'est qu'il photographie uniquement en noir et blanc à l'aide de son iPhone. Donc, on voit des clichés absolument incroyables de New York et des environs. Et tous les clichés sont en noir et blanc, mais comme on en a déjà parlé il y a quelques épisodes, il va chercher les contrastes, il va chercher les formes géométriques, il va chercher les trucs qui ressortent vraiment dans une photo. Là, ces photos ont autant de force qu'une photo couleur, mais c'est uniquement en noir et blanc. Il y a quelques silhouettes, mais il y a beaucoup de jeux de lumière ou de patterns de répétition, de trucs comme ça. Ouais, il faut créer quelque chose quand tu n'as pas toutes les couleurs, évidemment. Oui, absolument. Ouais. Donc, c'est vraiment intéressant, puis je vous invite, même si ça vous intéresse, à le suivre sur Instagram. Puis voilà, c'est comme quoi on peut faire de la belle photo noir et blanc, même avec un iPhone. C'est même incroyable de penser que c'est un iPhone, honnêtement. Oui, hein? Mais depuis, je dirais, iPhone 5, 5S, là, il y a quand même des bons capteurs. Wow, mais là, avec les 6 et 6S et compagnie, ça fait de la belle photo. En voilà, ceci conclut ce 80e épisode. Merci beaucoup, messieurs. Hey, merci, Stéphane. C'est toujours un plaisir d'être ici. Oui. Merci, chers auditeurs. Et pour nous envoyer vos questions, commentaires et suggestions, vous nous écrivez à podcast@objectifnumérique.com pour nous suivre sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, sur Twitter au numérique, Facebook et Google+, Objectif numérique. Au prochain épisode, je vous parle, entre autres, du Gaming Expo de Sherbrooke, où je suis allé prendre quelques photos. Je vous parle aussi de l'objectif macro 90 mm f2.8 de Sony, que j'ai un plaisir fou à tester en ce moment. On va vous parler d'un paquet d'autres trucs. Alors d'ici là, mesdames, messieurs, à vos déclencheurs!